Et quand on le leur récite, ils disent « Nous y croyons, ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur, déjà avant son arrivée, nous étions soumis ».